Niko nalamkia kila ndugu na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom de Jésus-Christ. Tunapikia Mungu wetu asante. Nous remercions notre Dieu kwa kutukaburia tena siku ya leo. De nous avoir accordé encore la journée. Na kuitikia tupate kuya mwi nyumba juu ya kushikia neno yake. Et accepter que nous puissions venir dans cette maison pour écouter sa parole. Ni privilège kwetu kupatikana mu nyumba ya Mungu. C'est vraiment un grand privilège pour nous de nous retrouver dans la maison de Dieu. Parfois je parle neno ya Mungu ya bia kweli kuna ubiriwa. Là où sa parole de vérité elle est prêchée. Ile bahati haina bantu bote banipataka mu mavizazi. Et ce privilège n'est pas accordé à tout le monde dans les âges. Kama unapata bahati ya kushikia neno ya Mungu ya bia kweli. Lorsque vous avez ce privilège d'écouter la parole de Dieu. Kusema mukile kizazi uko privilégié. Cela veut dire dans cet âge vous êtes aussi privilégié. Na ni neema munene. Et c'est vraiment la grâce. Kuyua kile Mungu anafanya mu mashiku yako. Connaître ce que Dieu fait pendant vos jours. Ndio neema. C'est ça même la grâce. Mungu apate kumibariki. Que Dieu bénisse. Tuko na shibama tusome andiko. Nous nous levons pour lire l'écriture. Ni andiko moja yenye kuya similaire na ile tulisoma jana. C'est l'écriture similaire de ce que nous avons lu hier. Nombre chapitre 19. Esabu kuminatisa. Biblia kunasema hivi. La Bible dit ceci. Nombre chapitre 19. Esabu kuminatisa. Tubebe Deutéronome 19. Prenons aussi Kumkumbu la Torah tout kuminatis. Deutéronome chapitre 19. Kumkumbu la Torah tout kuminatis. Biblia kuna sema hivi. La Bible dit ceci. Verset 1 jusqu'à 6. Mstari ya kwanza mpaka 6. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne les pays. Wakati wa milele Mungu wako atamaliza na mataifa. Na wa milele Mungu wako atakupatia inchi. Lorsque tu les auras chassés. Wakati utawafukuza. Et que tu habiteras dans leur ville et dans leur maison. Na utekala miji yabo na manyumba yao. Tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Utagawanya miji tatu ile wa milele atakupatia utashika. Tu établiras des routes. Utaweka mabarabara. Et tu diviseras en trois parties les territoires du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner. Ile jimbo amilele Mungu akatakupatia utegawanya vipande tatu. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Na itakuwa vile ni kusudi ule wote anauana apate kukimbilia muhima muji. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira. Na, là pour sauver sa vie. Na hii sheria watetumikisha njua ule ariwana kukimbilia mule njua kuepusha bujima bwaki. Lorsqu'il aura volontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Wakati atauwa nduku yake bila kuya adui wake kwanza kwanza. Un homme par exemple va couper du bois dans la forêt. Kwa mfano mutu anenda mpori anakata mkuni. Avec un autre homme. Na mutu mwenjake. La hache à main. Ma, il est chaud car il connaît mukono. Il se lance pour abattre un arbre. Anapika njo katamuchi. Le fer échappe du manche, atteint son compagnon. Lakini kiuma ile ashoka kinachomoka kinaenda kupika ule rafiki yake. Et lui donne la mort. Na kinamua. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Sema umutu atakimbilia muhimu katikati ya ima muji moja njo akokoa buzima yake. De peur que le vengeur du sang échauffé par la colère. Kusudi wala kuripisha damu benye kuwa na kasirani. Et poursuivant le meurtrier ne finisse par l'atteindre. Wala atanza mfuata ula riwana njo basipate kumubamba. S'il avait à faire beaucoup de chemin. Kama alikuwa na safari mrefu wala njia mrefu. Et ne frappe mortellement celui qui mérite pas la mort. Na kupika kwa kuwa ula shistahili kufa. Puisqu'il n'était pas auparavant l'ennemi de son prochain. Sababu akukwe adui wa ule jirani wake. Tunakupikia asante Mungu wa kumbingu. Nous te disons merci Dieu du ciel. pour la journée que tu nous as accordée, en conduisant le frère et le soeur pour venir en ces lieux afin d'écouter ta parole. Nous nous sentons vraiment heureux dans cet âge parce que nous avons trouvé grâce de connaître ce que toi tu fais. Et comment est-ce que le méchant peut fuir ta colère? Alors nous t'invitons de descendre. C'est toi le vrai enseignant. Tu connais nos problèmes et nos difficultés. À laquelle peut-être il y a personne mais qui peut nous aider. Mungu, mais toi tu es Dieu et tu n'échoues pas le problème de tes enfants. Nous t'invitons Bwana, ouvre-nous les oreilles spirituelles, parle une fois et c'est les paroles qui vont nous aider. Nous voulons, lorsque nous allons quitter ici, que nous puissions dire il était bon d'être ta présence. Nous t'abandonnons la conduite de toutes choses en te priant avec foi parce que nous te connaissons dans le nom précieux de notre roi et sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons encore à parler sur ce que nous étions en train de dire hier. L'endroit où l'homme peut fuir pour échapper à la pression de l'âge. Peut-être qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'arrivent toujours pas à comprendre ce que l'Esprit veut dire. Cela veut dire que le temps dans lequel nous vivons, mon frère et ma sœur, ce sont des jours tellement très mauvais. Et le diable travaille afin d'empêcher beaucoup de gens de ne pas aller dans l'enlèvement. Et nous qui avions reçu la grâce dans cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète. Et nous devons être conscients de ça. Nous devons savoir que nous vivons dans les derniers jours de la mort. Où les diables travaillent avec beaucoup de ruses. Et ça, nous devons les savoir. Et pendant le jour où nous traversons sur la terre, nous devons tirer attention dans chaque chose. En sachant que le temps dans lequel nous vivons, les diables travaillent avec son dernier énergie. Parce que si quelqu'un manque de reconnaître, il restera dans l'église. Il va faire longtemps dans il va mourir même sans toutefois aller voir Dieu. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Pendant le jour où nous vivons, ce sont des jours où chaque frère, chaque soeur doit savoir qu'est-ce qu'il fait ici. Parce que cette église, telle que nous le voyons, un homme peut la transformer en dénomination. Vous pouvez faire de cette église votre idole. Vous pouvez faire de cette église votre confiance. Mais dès longtemps, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais présenté aux hommes l'église que ce soit face à ou au Ficho. Non. Dieu, il a ses propres voies. Il a qui la montre le monapen la corolla voie que bougima. Celui qui veut sauver sa vie. Il doit marcher dans des chemins, dans des voies que Dieu a créées. Et seulement sur ces voies-là, il y a la protection. Et seulement sur ces voies où vous allez trouver la paix. Vous pouvez faire longtemps dans cette église. Dans l'église, on vous connaît. On vous donne même des titres. Et les gens vous aiment. Mais est-ce qu'avez-vous déjà pris le temps dans tout ce que tu fais dans cette maison et vous posez la question quelle sera votre fin? C'est ce qui est important. Il ne faut pas rester seulement dans l'église. Chaque jour, vous écoutez la prédication. Mais tu ne sais pas comment sera votre fin. Un enfant de Dieu ne peut pas évoluer comme ça. Que Dieu bénisse. C'est que chaque frère et chaque soeur doit savoir. que nous vivons dans les jours très mauvais. Les jours très mauvais. Où le diable est en train de travailler avec son dernière énergie. Depuis que tu as quitté les dénominations, peut-être tu étais dans les dénominations, tu étais dans l'église méthodiste, l'église sème, dans l'église catholique, peut-être, et peut-être tu t'es dit qu'à la fin, je crois au message. Maintenant, on n'a pas ce qu'on a acquis, de savoir que tu as déjà trouvé un refuge. C'est ce que chaque fois et chaque soir tu as quitté les dominations. Mais arrivé là où la vérité elle est prêchée, mais il n'y a rien qui change. Toujours sous l'agitation. Tu es toujours chinia kwangaika. Tu as toujours des plaintes. Tu es toujours inquiet. Tu as toujours des inquiétudes. Non. Lorsqu'un homme croise Dieu, lorsqu'un fait l'expérience véritable de la chrétienté, ce dernier, lui-même, il va constater dans sa vie lorsqu'il a auparavant, sa façon de voir les choses sera vraiment différente. Même ma besoin yake, ata ma état yake, ma ambition même yake, ses ambitions sera différent. Ma ville irikuya wakati ya façon dont il voyait avant de rencontrer Dieu. Et chaque frère et chaque soeur, vous devez être na wakika. Et ce qui vous donne cette certitude, aina église ya tabernacle, l'assemblée des tabernacles de Kambo. Apana. Non. Aina juu ya kusema iko na fonction mkanisa. Ce n'est pas pour une fonction dans il est la mukaburia sirete. Ce qui lui donne, il est la présence ya Mungu mu maisha yake. C'est la présence de Dieu dans sa vie. Anaweza kuikala na wewe. Il peut être avec toi. Anakutemwanya vie yake passée. Il te témoigne sa vie passée. Na anakutemwanya vie yake ya après. Il te montre aussi sa vie actuelle après avoir rencontré Dieu. Et il te dira, depuis de l'or, j'avais senti dans ma vie à Tikisho, et je me suis retrouvé dans la sécurité, il est capable de te dire ça. Et là, cet endroit-là, vous devez trouver cet endroit, c'est le fils. C'est la vérité. Vous devez trouver cet endroit. Pourquoi nous disons, regardez nous, dans cette tâche de l'Odyssée, frère Branham dit, et Jésus dit aussi, c'est l'âge la plus mauvaise et il y a peu de gens qui iront au ciel. À chaque fois que nous lisons les Écritures, pourquoi il y a peu de gens qui iront au ciel? Et pourtant, il n'y a jamais eu le moment où les églises sont remplies comme au jour. Vous savez pourquoi beaucoup de gens dans cet âge ne seront pas allés au ciel? C'est parce que les gens, on a minimisé puissance. Ils sont en train de minimiser Kufezerecha. La puissance avec laquelle le diable travaille dans cet âge. Que Dieu bénisse. Les gens, ils pensent que les choses de Dieu, c'est dire seulement que je crois. Et on te baptise. Et tu deviens membre de l'assemblée tabernacle. Et les gens pensent que ça suffit pas là. Et ils regardent comment est-ce que les chrétiens sont en train de vivre. Et lui aussi, il s'efforce, il est en train d'imiter la croyance. Il va s'ingérer aussi dans le groupe des frères, dans le groupe des sœurs. Et il pense que c'est seulement ça. Et c'est ça la garantie. C'est vraiment une haute séduction. C'est la vérité. Nous quoi. Si vous êtes comme ça, mon frère, si c'est le cas chez vous, ma soeur, que Dieu t'aide. Parce que nous vivons encore du temps de grâce. Dieu t'aide encore que tu puisses t'asseoir et te poser la question, regarder ta vie passée et regarder aussi ta vie actuelle, vraiment réexaminer ton cœur et regarder comme un coup à Tchanicho. Toi-même, tu dois faire ça. Il n'y a personne qui le fera à ta place. C'est la vérité. Nous quoi? Parce que Satan est en train de le diable, il est en train de travailler. Mon âme n'a qu'à distraire. D'une manière, il y a Kulengamisha. C'est pourquoi on a jusqu'à Frère Branham, on a fait un message. Frère Branham, il dit dans ce message, Christ est identifié dans tous les âges. Christ, moi, je suis en train de me faire un message. Et on a ce maïf. Il dit ceci. Lisons ça. Christ est identifié dans tous les âges. Christ, moi, je suis en train de me faire un message. Frère Branham, on a ce maïf. Paragraphe 33. Il dit ceci. Dieu ne donne jamais à la race humaine une église derrière laquelle se réfugier. Mungu ashiapachaka batu kanisa njubendo akafuchami yemu. Est-ce que tu vas moi? On est ensemble. Tangia Mungu alianzaka kokola bantu. Depuis que Dieu a commencé à sauver, ashiaba kaburiaka kanisa moya hivi. Dieu n'a jamais donné à la race humaine une église. Là où ils peuvent aller se réfugier du jugement de Dieu. Dieu n'a jamais fait ça. Que Dieu bénisse. Ne pensez pas que dans cet âge de la Odyssée, le tabernacle que nous avons, c'est ça la sécurité des hommes. Non. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que nous écoutons la parole de la vérité et nous avons des prédicateurs que Dieu a mandaté. Il a venu tout comme Ukingo. Non. Kanisa ya kuyaka Ukingo n'a jamais été une protection. En aucun jour. Peu importe l'assemblée que vous pouvez construire, l'assemblée n'a jamais été une protection pour la race humaine. Dieu n'a jamais prévu que si vous voulez échapper au jugement, allez plonger tous dans l'église tabernacle. Vous dites que, moi, que nous croyons et c'est fini, ça s'arrête par là. Dieu n'a jamais fait ça. C'est la vérité. Nous croyons. Il ne leur donnait jamais un credo. Derrière lequel se réfugiait. Dieu protège l'être humain par sa parole. Crois cette parole et vis. Amini neno na uishi. Crois cette parole et vis. Séparé aujourd'hui. Ni paka vilevile na leo. Christ est cette parole. Christ joy neno. Au commencement était la parole. Mwanzo kwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno kwa na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno kwa ni Mungu. Et la parole là était faite chair. Na neno ilifanya kwa mwili. Et habite par nous. Na ilikala katikati yetu. Eh bien. Na muzuri. Ce qu'il était dans les autres âges. Vile kila alikuyaka mbizazi ingine. Il doit donc l'être aujourd'hui. Nikusema hata leo njoo kila napasha kuya. S'il demeure le même hier. Kama yuko ule momo wa jana. Aujourd'hui. Leo. Et pour toujours. Na hata mileli. Mungu apate umbariki. Que Dieu bénisse. Mungu ashakaburiaka bake batoto kanisa. Dieu n'a jamais donné à ses enfants l'église. C'est pourquoi kila nduku na kila dada. Kwa maana chaque fois chaque. Mwe bana Mungu nashikia hii sermon. Ki écouter la. Tosha kitumaini kiako mubatima. Enlevez votre confiance muima jengo. Tosha kitumaini kiako mu kanisa. Enlevez votre confiance dans l'église. Fanya nguvu mu maisha yako. Doit fournir l'effort. Ukuwe na hakikisho na Mungu mu Biblia. La certitude avec le Dieu de la Bible. C'est la vérité. Kweli. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Là où le diable il est en train de travailler avec force. C'est pourquoi on a la Bible qu'on a saint. C'est pourquoi la Bible dit. Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Je Bible qu'on a saint. Écoutez ce que la Bible dit. Bible qu'on a saint. Et dans le verset 21, Moussaki Makumbi Namoji. Bible n'a pas dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et sont jetés contre cette maison. Et le bois tombé, tout ce vent, tout ce souffle se sont jetés contre cette maison. Mais parce qu'il était bâti sur une roque, et la maison, elle n'est pas tombée. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Et les points tombés. Parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quelle est sa maison? C'est quoi? Nyumba yake ni nini? Sa foi. Ni imani. Aliweka imani yake kwa vitu vya bongo. Sous de fausses choses. Aliweka kitumaini yake mu bâtiment ya kanisa. Dans le bâtiment. Aliweka kitumaini yake mu banque. Vous avez mis votre confiance dans lui. Aliweka kitumaini yake. Sa confiance. Jutu, beko na muita frère. Parce qu'on lui appelle serviteur. Jutu, beko na muita sœur. Parce qu'on l'appelle dada. Parce qu'on lui appelle serviteur de Dieu. Jutu, beko na muita pasteur. Parce qu'on lui appelle pasteur. Jutu, beko na muita sirene. Parce qu'on lui appelle sur internet, parce qu'on a mis ta tema ni mouimbaji mouzuri, et qu'on a sa haute mouzuri, voilà pourquoi, c'est là où il a fondé sa confiance. Mais la Bible dit, où toi vile, ni mouimba fou, que Dieu bénisse. Un homme pareil, c'est un insensé. Oh, je suis du tabernacle. C'est nous qui filmons, les caméramans. C'est nous, les interprètes de Soumioué. Et quelqu'un, il s'arrête à ça. Et il croit qu'il est devenu chrétien à cause de cela. C'est nous, le prédicateur de tabernacle. Vous voyez au tabernacle. C'est nous des tels. C'est nous les tels. La Bible dit, c'est un insensé. Que Dieu bénisse. C'est un insensé. Oh, on en a chez au tabernacle, frère. Oui, nous au tabernacle. Le pasteur en a considéré. Il n'y a pas des hommes qui est pasteur considéré comme nous. Et qu'on a tout considéré ça. Le pasteur nous considère. Il n'y a personne qui avoir beaucoup de considération. Si on citait deux ou trois frères, on ne peut pas manquer de citer mon nom parmi les deux. Si on parle de deux sœurs au tabernacle, on ne peut pas manquer de citer mon nom. Et c'est ça même la chrétienté. Ça, ce n'est pas la chrétienté. Être à côté des serviteurs de Dieu. Depuis longtemps, il y a même les diables, les démons. Et vous ne savez pas. Souvent, regardez même du temps de la Bible. Les gens qui restent souvent à côté des serviteurs de Dieu, les diables, ils s'infiltrent souvent. Ne pensez pas que quand vous voyez quelqu'un qui est proche, Karim Sana Pastor, ça veut dire qu'il est trop spirituel. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Regardez d'abord du temps de Jésus. Le diable, il est allé habiter dans Juda. C'est que Jésus a quoi la foi? Jésus faisait. Lorsqu'on voulait faire n'importe quelle dépense, Juda vient. Il y a combien dans la caisse? Il y a coton. Tu peux prendre un peu d'argent. Il y a un petit problème au chercher toujours Judas. On est ensemble. Lorsqu'il y avait des problèmes, on appelait Judas pour terminer les problèmes. Mais il était Moutoumichou à Chétan. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Mon gars, tu m'as dit. Ne pensez pas que lorsqu'on vous donne beaucoup de considération, on vous respecte beaucoup. Vous avez dit qu'il est devenu spirituel, non. Et les gens s'arrêtent sur ça. C'est grave. Niatan, que Dieu bénisse. Ce n'est pas ça, nous. Si vous prétendez faire dans des choses comme ça, on vous appelle ça insensé. La Bible t'appelle insensé. C'est la vérité. C'est un insensé. Un enfant de Dieu place sa foi. Il la place sur le rocher. Il est mwamba, iweze kuanguka. Ce rocher ne peut jamais faillir. Aiweze kutikisika. Ça ne peut jamais bouger. Ni Yesu Christo. Et ce rocher là, c'est Jésus Christ. Chokule mutoto wa Mungu. Et c'est là où un enfant de Dieu confiance ya imani yake. Va placer sa confiance ya maisha yake. La confiance de toute sa vie. Et venir yake yote. Même tout son avenir. Il ira placer ça en Jésus Christ. Un enfant de Dieu. Et c'est comme ça qu'il fait. C'est la vérité. Mais si vous placez votre confiance dans les hommes, vous espérez dans des titres dans l'église. Il y a des gens qu'on donne des titres, mais ce sont de méchants plus que même Judas. C'est la vérité. Nous quoi? Et qu'on a Judas. Un méchant comme Judas. Mais est-ce qu'on respecte? Mais ben à honoré. Ben à mais est-ce qu'on a Romu Baya sa Judas? Il est un méchant. Mais vous ne mourrez que Mubaya. Mais dans sa méchanceté, vous ne pouvez pas lui découvrir. Il est en train de garder sa méchanceté. Nabujanja. C'est la vérité. Bien quoi? C'est pourquoi frère. Je commande en douku. Comme nous sommes dans les derniers jours, c'est l'âge où l'obscurité prend l'ampleur. Quand vous regardez même comment les frères Branham avaient coloré les âges de l'église, vous verrez que dans l'âge de l'Odyssée, une grande partie c'est l'obscurité. C'est la vérité. Nous quoi? C'est l'âge d'obscurité. Et les diables. Et qu'on a est en train de fournir son effort. Afin de donner aux gens seulement la forme. Inje tu as qui Christ. Et les diables ils fournissent ses efforts. Aje tu bantu file. De laisser les gens comme ça. Ba prédicateur, ba obiri, ba tu peux naimba au chorale, les gens qui chantent à la chorale, ba frère, ba bien, les bons frères, ba dada, ba bien, de bonnes sœurs de l'apparence, mais, moule mumaro, yabo moule, mais dans le fin fond de leur cœur, ils sont en train de souffrir Dieu a pression à cause de la pression de ces mondes. Mais en les voyant, c'est ma parole. Vous penserez que ce sont des hommes sauvés. Mais dans leur cœur, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Ils n'ont pas de repos. Que Dieu bénisse. Ils n'ont pas de repos. Chaque vent qui survient, chaque système qui va survivre, la mondanité qui arrive, le mode de vie à Bantu, il est qu'on apparaît pas dunia, qui apparaît sur la terre, elles sont en train de souffrir afin d'être au rythme comme les monendos. N'est-ce pas, ils sont là. Même ce soir, ils sont encore là. Ils sont là, ils sont partout. C'est la vérité. Oui. Vous n'avez jamais vu un frère. Il est bantu beko embrouillé ça le jour où les hommes sont embrouillés comme cet âge. C'est compliqué. Niatar. Bantu beko tellement embrouillé. Dans cet âge, les gens sont tellement embrouillés. Mukipimo kenye 90% ya bantu. Kwa ndidi kipande kinene kabisa. Beko incapable kufanya ta prière ile kwa sincère. Ils sont incapables de faire même une prière sincère. C'est la vérité. Nous quoi? Beko katikati ya bafrère. Ils sont là parmi. Beko katikati ya badada. Ils sont là parmi les sœurs. Parce que beko tellement sous une pression. Tu beko tina kusoma. Agité de tous côtés. Beko na ngaisha kumanga mwili. Na kama mtu anakuwa mwili position. Et lorsque un homme se retrouve dans cette position, possibilité de faire une prière. Il est incapable de faire une prière ya moyo yote. Nani ba mingi. Et c'est beaucoup. Ata imangaribi. Même ce soir. Utaona mtu anainama. Vous voyez quelqu'un qui est en train de prier. Vous pensez qu'il est en train de prier. Et pourtant il est en train de penser à sa maison ainsi que ses affaires. C'est la vérité. Nous quoi. Même ce soir, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce qui vous a rendu comme ça? C'est parce que dans le cœur des gens, ils sont sous pression. Lorsque quelqu'un est on perd contrôle. Comment est-ce que tu vas prier? Comment est-ce que tu vas penser à de bonnes choses sur quelqu'un? Lorsque vous vous retrouvez dans de telles conditions, leur esprit est tellement embrouillé. Et le diable, il s'est réjoui de ça. Et une petite partie. Quelle est la forme extérieure? Une forme extérieure. La piété. Ils sont en train de donner à Dieu. C'est leur présence dans l'assemblée. Et c'est ça qu'ils ont donné à Dieu. Et ça. Selon les Écritures, lorsque c'est ce que vous donnez, c'est mal à Dieu, devant Dieu, adoration yako, votre adoration, inakuwa makufuru. On est ensemble. C'est ce que dit la Bible. Dieu veut la Bible ensemble. Devant Dieu. Regarde, considère d'abord ta vie. Considère d'abord ta vie, ma soeur. Dieu, c'est lui qui t'a appelé au salut. Il a quel poids dans ta vie? Tu dois te poser la question. Tu as combien d'années tu ne pries pas? N'est-ce pas, il y a des frères et sœurs qui sont en train de comprendre ce qu'il explique. Vous les frères, il y a combien de temps que vous ne priez pas? Et vous les sœurs, ça fait combien de temps que vous ne priez pas dans vos maisons? Et c'est que vous faites là comme les devins. N'est-ce pas, Dieu, il sait que ce sont des mensonges. Dieu, il sait. Tu peux arriver à tromper tout le monde, même votre voisin, mais pas Dieu. C'est la vérité. Nous quoi? Il y a des frères ici. Ils ont déjà fait très longtemps sans toutefois entrer en prière ou en dialogue avec Dieu. N'est-ce pas, ils sont là. Vous penserez qu'il est en train de prier. Il ne prie pas. Il est en train de parloter seulement. N'est-ce pas, ils sont là. Dieu ne peut pas parler enfin. Il y a certainement des frères et des sœurs qui ont déjà fait longtemps sans prier. C'est la vérité. Nous quoi? Ils ont déjà fait beaucoup de jours sans prier. Et l'adoration qu'ils attribuent à Dieu. Si il a la chorale, chaque jour, ekotayari kwaya. Et on lui voit. Et les gens ils disent que c'est un homme de Dieu. Si c'est un frère, chaque jour, il se met là. Si c'est une soeur, sur sa siège. Et il est où elle est présente dans l'église. Mais dans sa vie, il n'est pas en communion avec Dieu. Ushiri kainaku. Il n'a pas cette communion avec Dieu. Nous quoi? Comment la Bible dit, Mufunu, vous connaissez bien l'écriture. Apocalypse chapitre 3. Mufunu, sura 4. La Bible nous dit ceci. Verset 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis sais-tu être froid ou bruyant? Ainsi que parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bruyant. Je te vomirai de ma bouche. Takutapika mkinywa yangu. Sa vile njo ile inabakia tu wako mu Kristo. Comme c'est ça votre chrétienté. Mungu kona sema hana na wewe besoin. Il n'a pas besoin de vous. C'est la vérité. Nous kweli. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Njo ile inabakia yako christianisme ni paka ile. C'est ça votre christianisme, juste ça. On a hiki kizazi frère. Voyez cet âge nduku. Aina kizazi ya kucheza nakyo. Ce n'est pas l'âge où nous devons blaguer. Vous ne savez pas combien le diable est en train de travailler. Vous, avec vous pensez que les choses de Dieu se sont débrouillées. Lorsqu'on vous parlait de l'homme qui fouillait pour aller se réfugier, il a mis tous les sérieux possibles dans sa façon de courir parce qu'il était conscient. Que si je blaguais seulement et ces vengeurs m'arrêtent en cours de route, je vais mourir. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous croyons. Oh frère. Onduku. Frère. Nous avons cru, nous. Nous sommes des croyants, nous irons au ciel. La Bible dit, même les démons y croient. C'est la vérité. Nous croyons. Attends ma démon, il m'a même démon. Les démons. Il est ma démon. Les démons. Monte on a ces mariamini. Quelqu'un qui s'est dit y croire. On a baptisé. On lui a baptisé. On a cru à membre de l'assemblée de l'assemblée. Mais comment on a mangé à mourir yake? Mais quand vous regardez dans son cœur. Et qu'on a tout qui s'en a toqué directement mon enfer. C'est il est vraiment aîné, on dirait il vient fraîchement de l'enfer. Mais là, un homme pareil, vous allez me dire. On a démon. Ce n'est pas un démon. Un homme comme ça. Aina démon. N'est-ce pas? C'est pas un démon. Tu dis, je crois. Et c'est Dieu qui t'a sauvé. Et en quoi Dieu t'a sauvé? Mais quand on regarde par ta façon de vivre, tu penses purement comme le diable. Quand on regarde ton cœur là, peut-être le diable il est quand même correct. Mais néanmoins tu crois. Les démons ils croient aussi. Mais quoi, qu'il y a un Afrique en Mansour Ambiri terriblement. Qu'est-ce qu'il croit cet homme? Ni démon. C'est un démon déguisé dans la chrétienté. Les démons aussi ils croient. C'est pourquoi il ne faut pas te réfugier dans l'église. Kanisa ina protection. L'église a une ukingo. Protection tu kunayo moya. L'unique protection que nous avons. Ni paka chini ya damu ya Yesu Kristo. Sous le sang de Jésus Christ. Na kama mtu anaingia chini ya damu ya Yesu Kristo. Vous mettez sous le sang de Jésus Christ. Natiri yake kuna changer. La nature de la personne. Natiri yake kuna changer. Sa nature change. Tu es sauvé parce que tu es membre de l'assemblée du tabernacle ou parce que c'est un frère qui est marié ou parce que tu as habité dans la maison d'un frère et tu t'es habitué à l'église, on vous a marié ou tu as épousé dans l'église et c'est ce qui t'a donné le salut. Honte à toi. Honte à vous. Si tu regardes ton cœur, la façon dont tu as agité, la façon dont tu es couvert par le diable, c'est quel avantage que tu as reçu en devenant membre de tabernacle? Quel avantage que tu as reçu? C'est la vérité. Nous croyons. Parce que tu dis que je suis. Parce que l'enseignement, Nico. Je connais tes œuvres. Minajor Matendoyak. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Minajor Sema a una moto à la baridi. Parce que tu es tiède. Sabu uko vukvuku. Et que tu n'es ni froid ni bruyant. Na a una moto à la baridi. Je te vomirai de ma bouche. Takutapika mkinywa yangu. Sina na wekaji. Je n'ai rien à faire avec toi. Mtoto wa Mungu achiwezi kuyavia. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Lorsque Dieu dit takutapika, Dieu il est très sérieux dans ce qu'il dit. Lorsque Dieu dit je te vomirai, c'est à toi de rester là et t'examiner. Est-ce que conformément avec l'écriture qu'on vient de lire. Est-ce que j'ai réuni les conditions pour lesquelles Dieu peut me vomir? Et qu'est-ce qui m'a amené dans ces conditions? Parce que toute ma chrétienté s'arrête en allant seulement à l'église et accepter d'être membre de l'église en dehors de tout ça. Tout ce que le reste, j'ai fait comme tout le monde. Pour les autres, je suis un peu différent des autres. Parce que aussi, je me l'accoutrement comme des sœurs de tabernacle, des frères de tabernacle. Il y a des frères, quand ils déménagent seulement, ils quittent Kambouf seulement. Vous allez la regarder ailleurs, on dirait Jézabel. Ouais, la sœur aimait même de bleu. Elle prend de mèche qui n'est pas orange, elle va mettre. Mais néanmoins, elle a fait longtemps au Cambo Tabernacle. Faire longtemps au Cambo Tabernacle ne fait pas de toi un chrétien. Non. Frère, sœur, tu dois avoir un endroit. Lorsque vous entrez là-bas, cela veut dire on a tulizana. C'est la vérité. Nous quoi? C'est la vérité. Pour être épargné à la pression de Satan. Lorsque Frère Branham prêchait ce message, vous ne connaissez pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le diable, il est en train de soumettre tout le monde sous pression. Angaria, frère. Regardez Ndoukou. Angaria, dad. Regardez ma soeur. En dehors du Seigneur Jésus Christ. Inje tout ya Yesu. Akuna muntu hata moya pa dunia. Il n'y a personne sur cette terre qui peut échapper à la pression de l'âge. On est ensemble. Il n'y a personne, alors auquel Awenani, même si tu prêches et tu sautes, si Dieu n'est pas encore entré dans sa vie, il ne peut pas échapper à la pression. Il ne peut pas. C'est compliqué. Et Dieu savait. C'est la vérité. Nous quoi? Parce que nous vivons dans l'âge terrible. Vous pouvez. Vous sentez la pression. Vous sentez la pression. Vous êtes sous pression peut-être. Vous êtes sous pression, Nazareth, peut-être de la vie ou je ne sais pas quoi. Tu peux vraiment t'efforcer. Dieu a poussé moi aussi réagir. Pour ne pas réagir à la pression. Où t'as dit casa? Tu vas t'efforcer. Chiku ya kwanza ya pire. Premier jour, deuxième un mois, jour. Deux mois. Moins ja kwanza. Quand ma pression est pire. Lorsque la pression devient vraiment forte, tu vas exploser. Nous quoi? Frère, on aura comme un mutu eko sous pression. Ouais, comme un mutu ochinya kusongwa. N'importe. Aizu. Tu n'as pas voulu donner un exemple. On peut donner des exemples. N'importe. N'importe quel exemple. Nikusema kama ile pression iko pa continuelle. Si la pression iko n'endelea pa kabale ta songwa, la personne finira toujours par céder à ta chiria. Jo vile bine kalaka. Ça a toujours été comme ça. Kumwanza kula naweza kuonekana ça. Au début là, tu peux sembler être résistant soit à kizungu ou à kiro, mais pression kama inapita. Mais lorsque la pression va être va augmenter, il va s'éveiller. Mais pour échapper à la pression de l'âge, c'est de trouver d'abord Jésus-Christ dans ta vie. Si vous n'avez pas encore trouvé Jésus, ou quoi olé, c'est que je suis en train de dire c'est la vérité. Chaque pression que le diable va vous soumettre, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie propre, résister au début là, mais au fur et à mesure tu finiras par céder à la pression. C'est la vérité. Nous quoi? Tu finiras toujours par céder. Il faut que mupata Yesu. Il faut trouver Jésus. Mon maisha yako. Dans ta vie. Parce que ndio mtu mwa alishaka pa hii dunia. C'est l'unique personne qui a vécu sur cette terre. Ule Satan alimweka sous toutes sortes ya ma pression. Et le diable a musumetre mwa ina yote ya kusongo. Mais a chiko explosé. Il n'a pas cédé. Paka yepeke. Lui seul. Que Dieu bénisse. Tous les prophètes d'Israël, ils ont explosé à un moment donné. Ils avaient cédé. Tous les saints, à un moment donné, ils avaient cédé. Il n'y a que Jésus. Vous l'avez. Il est esprit qui était en lui. Quand il est en vous, il vous aidera à échapper à ma pression. Il aidera à échapper à la pression. Cet esprit vous aidera. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est l'unique personne qui a vaincu tous les démons. Il a été outragé. Regardez-nous. Lorsque un homme vous insulte, aujourd'hui tu peux s'y porter. Demain encore tu peux s'y porter. Mais si demain il arrive maintenant à insulter ton père ou ta mère, si tu n'as pas Dieu, tu vas céder. Amen. Tu vas exploser. Aujourd'hui, il vient t'insulter. Il vient t'écrire. Demain encore, il vient. Il va te critiquer. Insensé. Quel genre de choses il a fait? Il n'est même pas intelligent. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Et demain encore, il vient. Il ajoute encore les insultes. Tu n'en as. Il est pas touché qu'on a kuchambula. Tout au début avec ses insultes. Et qu'on a pu soumettre sous une pression. Et qu'on a kuweka chini kusongwa. Que Dieu bénisse. Maintenant, le lendemain encore il vient. Il a commencé maintenant à famille pas, une famille de pauvres. Ce sont des tels et des une famille de prostituées. Oh, yako, ta ndumba. Mère, pas, elle était prostituée. Elle avait fait ça. Pour supporter à ses insultes, il faut na mungu, frère. Tu dois avoir Dieu. Il faut que tu dois avoir Dieu. Bah, tu peux faire qu'il t'insulte aujourd'hui et demain. Plainte, ah, vous allez vous plaindre. Vous allez plaindre. Vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre presque partout. Pourquoi tu vas te plaindre? C'est parce que vous n'avez pas Dieu. Que Dieu bénisse. Lorsque Jésus était sur la terre, on lui insultait. On lui critiquait. Frère, si vous voyez dans votre vie, toi tu n'aimes pas être critiqué. Expérience yako chrétienne ni abongo. Il faut vérifier votre expérience, elle est fausse. On est ensemble. Est-ce que vous apprenez qu'on vous a critiqué à Kuzarau? Il est membre de Kuweka sous pression. Et c'est là que vous mettez chini à Kusongwa. Il faut rendre magot. Tu dois aller à genoux. C'est la vérité. Tukwe. Expérience yako chrétienne ni ya bongo sana. Tu n'as pas fait une bonne expérience. Parce que Jésus Christ. Jésus. Barianga kumu ridiculiser. On lui ridiculise. Baza mushusha heshima. Barianga mushusha heshima. On lui ridiculise. Na kumutwika manjina ya bongo. Tena manjina ya mubaya. Et de non qui n'était même pas bonne. Mutu sa bwana wetu Yesu Kristo. Un homme comme notre Seigneur Jésus Christ. Bari mutuika njina ya Belzebul. On lui a taxé de Belzebul. Nikusema mkubwa wa mapepo mchafu. C'est lui le chef des démons. Mais wewe shetani anaweza kukuingilia hata ndani ya bibi yako. Mais toi le diable peut passer même à travers ta femme. Bibi yako anaanza kukwambia kusema. Et ta femme te dit. Asema uko mpagano. Tu es un païen. Est-ce que hii misemeo uko nasema tu hii nimesemea bu Kristo. Que la façon dont tu parles ici c'est un Christ. Mimi mwenyewe sikujua kama ni bwana kanioni niliolewa naye. Pas c'est quel genre de mari. Bwana waizi kupatano lwake. Un païen du tout. Njoo wewe unashikia ile masauti. Et toi quand tu entends ça, ça du oh. Unaanza kutokota. Commence à ronfler. Utauana bure. Tu vas tuer les gens. Mungu apate mbariki. Dieu bénit. C'est la vérité. C'est le shaitan qui agit. Mais les diables sont travail. J'ai été taquiné un peu. Tu fous des t'amener à pécher. Si vous arrivez à pécher, même tu t'es fait sortir de la protection. C'est ça même l'objectif. Il m'a pression yote ya maisha. Toutes tes pressions que de la vie. Il est shaitan qu'on a tout soumettre. Il est en train de nous soumettre. Combat yake. Et la lutte. Ni kusema utende zambi. De t'amener à pécher. Anakuweka sous pression ya mambo fulani. Sous pression de tes propres. Utende zambi. Afin de t'amener à pécher et Dieu va te lâcher. Naacha kusumettre watu ba mingi. Et il a déjà soumis beaucoup de gens. Bila Yesu Kristo. Et sans Jésus Christ. Hakuna ule ataweza. Personne ne peut échapper. C'est la vérité, hein? Mukweli. C'est pourquoi on a mule mu Jean chapitre 3. Yohana 3. Biblia qu'on a sema hivi. Elle dit ceci. Ni histoire de Nicodème, hein? C'est l'histoire de Nicodème. Jean chapitre 3. Yohana sura 3. Biblia qu'on a sema hivi. Verset 3, il dit Jésus lui répondit, minanzia mu. Nanzia tu mu verset premier mu dutu somme. Ah. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Katikati wa pharisiens yo kurukuya mtu mmoja na Nicodème. Un chef des Juifs. Na alikuwa mkubwa wa Yuda. Kuya responsable mu kanisa au kuya na cheo mu kanisa. Avoir des titres dans l'église. Il a signifié que c'est comme sécurité. Ça signifie pas que vous êtes dans la sécurité. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Na ye bushiku bushiku. Il lui dit, Rabbi, Ambia Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Na, akuna mtu anayefanya miujiza yote anafanya kama Mungu ananaye. Jésus lui répondit, Yesu amjibu, en vérité, je te le dis. Kweli, kweli, ningu nakwambia. Si un homme n'est né de nouveau, kama mtu asizaliwe mara ya pili, il ne peut voir le royaume des cieux. Sema awezi kuona ufalme wa mbingu. Mungu abade mbariki. Ke Dieu bénisse. Yesu alimwambia kusema, hapa c'est une obligation. Je dis inalazimisha ni lazi. Kama unapenda kuechapper ma pression si exagérée. Échapper à la pression de l'âge. Vous devez nécessairement. On a pas choix. Nécessairement on a pas choix kabisa kabisa kuzali comme la. Il faut nature yako pécheresse. La nature il est à Zambi. Il kuye changer. Bate kubadilishwa. Ukuye na nature ya Mungu. Et c'est voir la nature de Dieu. Je utaweza kuechapper ma pression. C'est à ce moment-là que tu sauras échapper à la pression. C'est la vérité. Donc quoi? Il faut que vous naissiez de nouveau. La faille vous allez comme à la pire. Bila ville. Sans cela, autaweza kintu frère. Tu ne sauras rien. Utajama kiloko. Tu vas résister un peu. On a encore mon entourage à Benja comme ça. L'entourage des amis. On a mis fario yabo. Et vous voyez l'air accoutumé. On a encore jamais pour un temps. Wakati mwa mukido. Mais pas on a pas d'opportunité à vous tendre ça là-bas. Mais quand tu auras l'opportunité d'agir comme eux, tu le feras. C'est la vérité. Tu peux avoir ton ami. Son travail, lui, c'est calomnier. Tu peux résister pendant longtemps. Mais au fur et à mesure, vous avez avec lui ou t'achiria na otachimanga. Vous allez voir que vous allez commencer à calomnier. C'est la vérité. Nous quoi? Il faut pas croire en Mungu. Faut seulement avoir Dieu. Tu peux dire. Pourquoi Nico toujours sous tension? Pourquoi Nico toujours sous la colère? Nico toujours sous la colère? Toujours chini à Kassirani. Bon, Léo, attends, on va nous dire, mamie, minéka la kim. Maintenant, aujourd'hui, même si on me parlait, moi, je vais rester calme. Banakushimanga, banakushimanga. On va te médier pendant longtemps. On va parler. Ton mari va gronder. Kama una na Mungu. Si tu n'as pas Dieu. Bila kuna kufoka tashika paka pale binaanza kutokota. Tout ce qu'il est en train de gronder, tu vas verras qu'il en toi, tu commences à bouillonner en toi. Bina kutokota. Tu es en train de garder, tu es en train d'accumuler. Lorsque le mari va partir. Et la colère que tu avais accumulée. Tu vas commencer à décharger ça sur les enfants. C'est un enfant qui fait ses mains, gifle. Tu commences maintenant à te décharger sur les enfants. C'est la vérité. Mukweli. Que Dieu bénisse. Ce sont des choses que tu as acquises. Vous avez empilé. Vous avez empilé les choses. Maintenant, exploser pour mon casse. On a chiné pour exploser par le bois. Tu n'es pas explosé devant mon mari. Alors, tu vas exploser, te décharger sous les enfants. Et les enfants, ils vont en pâtir. Où le problème te dépasse dans la maison. Et la sœur pose seulement la question. Et laisse-moi. Et ce genre de langage. Je veux dire, ton cœur est cochini à Kusongwa. Pour épargner, être épargné à toutes ces choses-là, il faut avoir Dieu. Que Dieu bénisse. Vous pouvez avoir même les secrets d'une personne. Peut-être que quelqu'un avait commis un péché et il est venu te le dire. Et après avoir exposé les problèmes, tu es au courant de ces péchés-là. Tu peux garder ces secrets-là pendant longtemps. Parce que tu ne veux pas dévoiler ces secrets devant le monde. Mais le jour où cet homme qui t'avait exposé son problème, il va faire quelque chose de n'est pas correct. On est ensemble. Ces jours-là où t'as pomouk. Que Dieu bénisse. C'est que tu gardais les secrets et tu as gardé ça. C'est parce que vous étiez en bon terme. C'est la vérité. Nous la même personne qui tu gardais les secrets, il a fait le mal envers toi. Il a fait le pur que envers toi. C'est-à-dire les hommes ne sont pas vraiment intelligents. Écoutez d'abord, il avait fait. Il avait dit, on n'a pas su que tu as cédé. C'est impossible. À un homme qui n'a pas Dieu, de garder les secrets des autres, que ce soit dans le bon ou dans le mal. Seulement dans ce message, nous avons déjà vu ça. Mais les gens, pendant leur tiraillement, ils vont commencer à se dire, l'autre parle le mal des uns de l'autre. Pourquoi tout ça? Parce dans leur vie, il n'y avait rien qui pouvait les tranquilliser. Il n'avait pas. C'est la vérité. Nous que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous, je commande à mon frère, ma soeur, pour s'épargner à la pression de cet âge. Vous devez nécessairement être de nouveau. Vous avez comme à la pire. Vous devez nécessairement être de nouveau. C'est la vérité. Être de nouveau véritablement. Pas faire semblant de naître de nouveau. Naître de nouveau. Véritablement. Et ton esprit là, impur. Et tu avais hérité de parents. Ton esprit là, méchant. Lorsqu'il y a un problème. Qui est toujours prêt à s'évanger. Cet esprit, mais il est roi à ville. Cet esprit là. N'était pas en Jésus Christ. Regardez du temps de la Bible. Où est-ce que Jésus s'était vengé? Un homme comme Jésus. Il vivait avec Judas. Il savait que Judas est un voleur. Il savait que c'est un méchant. Il savait que c'est lui qui va lui livrer. Mais Jésus avait accepté de mourir. Mais ses amis proches, ils ne doivent même pas savoir. C'est la vérité. Jésus, il avait accepté jusque même à la mort. Mais les disciples, parce que Bible nous enseigne. Pourquoi les disciples, pas les autres, qu'on appelle les disciples que Jésus aimait. Pourquoi toujours on a la poitrine yake. Oui, il dormait même dans la poitrine. Bible qu'on enseigne. La Bible dit, Jésus, il avait fait le tout jusqu'à la mort. Ses amis proches ne savaient pas celui qui va le livrer. Maintenant toi. Et toi, ma soeur, il est esprit où l'esprit que vous avez, ni esprit à wapi. Vous avez pris ça où? Ni esprit gani? Ça vient d'où? Bon, il est esprit où pata wapi. Maintenant, tu as hérité ça de qui? Aïna ya Yesu? Ce n'est pas l'esprit de Jésus. C'est la vérité. Nukwe. Aïna esprit à Yesu Christo. Ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus Christ. Comment esprit à Yesu Christo n'engia ndani yake? L'esprit de Jésus Christ entre en vous. Bible qu'on a sème. La Bible dit. C'est Jésus qui parle. Ce que moi j'ai fait, vous le ferez aussi. C'est ce que dit la Bible. Je voulais bien ça. C'est quoi l'esprit que tu as? Les amis proches. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous partagez comme sujet? Et c'est votre, vos conversations, ça édifie qui? Et ça vous édifie vous-même. En quoi? Et en quoi ça contribue dans votre foi? Votre conversation. C'est quel esprit que vous avez reçu? L'unique endroit. On peut trouver la sécurité, c'est seulement en Jésus-Christ. Il est esprit kwa ndani ya Yesu. Et l'esprit qui était en Jésus-Christ. Jo esprit qu'on a shindikiza. Et l'esprit qui a batoto yake mukila kizazi. Ses enfants dans chaque âge. Batoto yake. Ses enfants. Woko mtoto wa nani? Maintenant toi tu es l'enfant de qui? Woko mtoto wa mtabernacle. Tu es l'enfant de tabernacle. Regarde maintenant ton cœur. Roho mbaya. Tu es un méchant. Woko na buivu. Tu as la jalousie. Woko na roho ya chuki. Tu es haineux. Uko na roho ya kusemeana bantu bibaya. Tu calomnies les gens. Tusome andiko ya mwisho. Lisons notre dernière écriture. De Corinthiens. Wa Korinto wa pili. De Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Chapitre yake 13. Kumi na tatu. Tusome verset yake 13. Verset 5. Bible qu'on a sema. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mupate kujichunguza mwenye muyo kwamba kama mko muimani. Éprouvez-vous vous-même. Mujipime mwenyewe. Tushibame tombe Mungu. Levons-nous pour prier. Hii ni mambo ya kila mtu kujichunguza. Chacun de nous doit s'éprouver. Kama ushakupata fasha kupumzikia. Si vous avez déjà reçu le repos. Lieu de refuge. Fazi ya mapumziko. Kama unaingia pale. Si vous entrez là-bas. Ile tabia ulikuwa nayo ya kizalikio. Les comportements que tu as hérité par nature. Ndio pa ile fasha itakufuia. C'est là que ça va disparaître. Mungu ni Mungu wa kweli. Dieu, il est vrai. Mungu anaokolaka. Dieu il sauve. Mungu anatakasaka. Il sanctifie. Mungu anekalaka mukabula roho yake ku bantu. Son esprit aux gens. Ku batoto tu ya bantu. Aux enfants de Dieu. Mungu alizarika. Mu jamaa ya bapayen. Dans la famille de païens. Mais comme Mungu anamokola. Mais lorsque Dieu lui sauve. Natiri yake na changer. Sa nature doit changer. Weye ndugu na weye dada. Mon frère, ma sœur. Tabia ile kuna kuanime. Le comportement qui t'anime. Ile kuna kuongoza. Le comportement. Jo ile ilikuwa ndani ya Yesu. Est-ce que c'est ça le comportement de Jésus? C'est pourquoi la Bible unasema examinez-vous. Kama bintu abina bien. Si les choses ne sont pas correctes. Nema ikingari. Elle est encore là. Apana kutembea na mambo ya bongo. Ne marchez pas avec le mensonge. On appelle à tout flatter. Tu veux que toi nous bembele. Si tu n'as pas flatter. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous bembele. Nous prêchons la vérité. Si tu n'as obéi au quel. Kila ndugu na kila dada anapata kujiexaminer. Si tu as pas jangali. Yesu Kristo anarudia. Jesus Christ revient. C'est la vérité. Kweli. C'est pourquoi dans la Bible on a dit. Comment la Bible dit? Comment tu sais mais ici? Si nous ne parlons pas comme ça. Akuta kuya mapambazuko. Il n'y aura pas. Akuta kuya mujima. Il n'y aura pas de vie. Tombe. Prions.